Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Dans le poste d'écoute, émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant cette émission, on va déballer plein de CD pour voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. La grosse vedette de cette semaine, c'est l'album d'Antoine Graton, c'est Le Problème avec Antoine. On va se faire un double bloc avec ça. On va entendre 6 pièces en tout. Il va y avoir 500 000 milles et Mal à la vie, mais on débute avec Les Yeux tout de suite dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Bye. J'espère un futur succès des palmarès de C'est fou. C'était Antoine Graton avec 500 000 milles de son album. Mais le problème avec Antoine, ici dans le poste d'écoute de C'est fou, on découvre les nouveautés musicales. Et là, on fait un méga bloc sur Antoine Graton. Donc, on va entendre trois autres pièces tantôt. Mais avant, discutons un peu ensemble du problème avec Antoine. Malgré l'euphorie du succès et les vertiges de la gloire, en petit cachotier qu'il est, notre rocker voit un côté de son être. En effet, son prochain opus, Le problème avec Antoine, vous fera découvrir un côté plus mélancolique d'Antoine Graton. Vous entendrez notamment « Mal à la vie » où il régurgite son mal de vivre dans une vibrante mélodie. Ils sont garantis. La sortie de ce dernier album donc est le 17 février. C'est fait déjà sur Sphère Musique, distribué par DEP. Allez voir antoinegraton.mu pour son site web qui est très bien fait d'ailleurs. Discographie, tournée, boutique de CD. Et parlant de spectacle, il va être le 19 mars à l'Embuscade ici même à Trois-Rivières. Donc soyez-y pour Antoine Graton. On va savoir tout de suite entendre les trois pièces qui suivent sur cet album, donc les 4e, 5e et 6e. Il va y avoir « Why Do You Need It » et « La dernière fois », mais on commence avec « Le parfum » tout de suite dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.1 FM. Oh no. Oh no. Hey, 89.1. Là, tu cherches jusqu'au fin fond de mon cœur, dans les raccoins les plus oubliés, pour trouver une partie de moi qui aurait pu peut-être un jour l'aimer. Elle chercha une éternité et moi je ne dis rien, je la regardais se déshabiller et se donner à moi comme si c'était la dernière fois. À toutes les fois, la dernière fois. Antoine Graton est la dernière fois de son album Le Problème avec Antoine. C'est son troisième album à Antoine. Avant ça, c'était Why Do You Need It, précédé de Le Parfum. C'était le deuxième bloc sur Antoine Graton pour aujourd'hui. Donc, on a fait deux blocs complets sur lui. Jusqu'à maintenant, j'aime ça. J'avais seulement entendu Mal à la vie et 500 000 000. Je l'adore, je l'ai dans la tête depuis des jours et des jours et j'ai vraiment hâte de la réentendre encore. J'arrête pas de vouloir l'entendre, cette pièce-là. Mais à la vie, très bon aussi. Les autres, un petit peu plus calmes jusqu'à maintenant. Je sais pas si le reste de l'album est comme ça. Il va falloir se le procurer pour le savoir. Album double. Le deuxième s'appelle Solution. La Solution. Je sais pas ce qu'il y a là-dessus. Il va falloir que je l'écoute moi-même. Hein. C'est comme ça dans le poste d'écoute. On n'a aucune idée. Troisième album. Après Montréal Motel et puis Il était une fois dans l'Est. Celui-là s'appelle Le Problème avec Antoine. Très, très belle pochette. Des cartons avec les paroles dessus. Et des illustrations de bande dessinée. Ça fait très super-héros. J'adore ça. Il y a des participations de Marat Tremblay, Joran, Marie-Pierre Fournier, Ginette, Éloi Pinchot, qui a d'ailleurs réalisé l'album, et il y a aussi Martin Léon. Donc voilà, l'album d'Antoine Graton s'appelle Le Problème avec Antoine. Allez voir antoinegraton.mu ou passez par le site de l'émission ou www.unechance.com. Tous les liens sont là-dessus, www.unechance.com. On passe du côté anglophone pour aller entendre la formation canadienne Circle Square. Leur album s'appelle Songs About Dancing and Drugs. On commence avec Hey You Guys. Ça se passe dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois sans les avoir écoutées au préalable. C'est le concept au 89.fm. Why don't we pre-daybreak? Love it when the earth shakes. I tell you just can't sit still. Quit before it widespread. Learn to paint the town red. Xylene always made you ill. Goodbye to that old camp. That's the way it goes, champ. Some revivals don't work out. Young men of your design, don't fall left on the timeline. Join in while your new friends shine. This is it, this is us, here we go. Today could be then or last week. distance makes the truth clear. Still gotta get out of here as green glass gets bleaker than bleak. Oh, it's so hard to dance when the system's got no low end. No subs means no love means no fun. And all the boys in the street keep in time on repeat, keep in time till the last song's done. Time for gradients, time for fate, time for segues between shades, time for time stretching, time as glue, time for all these dudes as disillusioned as you. So say farewell to that last phase. Hey pal, these are the days. Everything's moving so fast. Young men with such foresight, forward in your birthright. Join in, cause this time it's gonna last. This is it, this is us, here we go. This is it, this is us, here we go. C'est là, au retour, il y a plus de Circle Square et on découvre l'album 42 de Saint-Pierre. C'est dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.fm. Le poste d'écoute. People in the dark, yeah. People in the back, people in the dark. Answers gone sideways, severed glance. Well, the world is a better place, it's a better place. Now that everybody started to dance, and now we all dance. Yeah. Circle Square et Timely, précédé de Dancers et de Hey You Guys dans le poste d'écoute. Je réalise que c'était très très long, cette pièce, mais moi j'ai bien aimé. C'est bon. Circle Square du New Wave Trans Shoegaze de Berlin via Vancouver. Allez voir myspace.com/circlesquare pour plus d'informations. Les membres sont Jonah, Jamie et Mr. G. Donc Circle Square, l'album s'appelle Songs About Dancing and Drugs. Allez voir le www.unechance.com si au lien vous échappe pendant l'émission et pendant les émissions qui s'en viendront dans le futur. Hein? Et téléchargez donc la balado-diffusion tant qu'à être là-bas. Mm-hmm. On retourne du côté francophone pour aller entendre l'album de Saint-Pierre. Il s'appelle 42, voici Crédit Bonheur dans le poste d'écoute de C'est Fou au 89.1 FM. On découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois, tous ensemble, dans votre radio. Elle achète tout ce qu'elle veut, une montre pour voir passer le temps, un séchoir pour ses longs cheveux, une voiture rouge sang. Elle se paye même sa solitude à grands coups de téléroman. Elle se voit traîner dans le sud la nuit dans ses appartements. Ah. Mais elle n'aime pas qu'on tende la main. Elle y tient, elle y tient. Au bonheur dans son sac à main. Elle y tient, elle y tient. Au bonheur dans son sac à main. Elle y tient, elle y tient. Au bonheur dans son sac à main. Et s'il est vrai que malgré tout, on crève même, on crève partout. C'est fou de voir comme elle s'en fout, qu'on crève même, qu'on crève partout. Mais elle n'aime pas qu'on tende la main. Elle y tient, elle y tient. Au bonheur dans son sac à main. Elle y tient, elle y tient. Au bonheur dans son sac à main. Elle y tient, elle y tient. Au bonheur dans son sac à main. Elle y tient. Elle y tient, elle y tient, elle y tient, elle y tient, et au bonheur dans son sac à main. Poste d'écoute. Il m'a m'arrive parfois quand je marche dans tes rues que les pluies de décembre soient celles que j'ai connues. Il arrive, il me semble, de repenser à toi. Il m'arrive souvent, peut-être d'avoir trop bu, que mon appartement ne m'appartienne plus. Il m'arrive souvent de repenser à toi. Et je me sens cent fois trop loin. Et je me sens cent fois trop loin. Chaque fois c'est pareil, on refait sa raison contre celle perdue la veille pour un billet d'avion. Chaque fois c'est pareil, et je repense à toi. Quand reviennent mes dimanches, mon esprit va là-bas comme à chaque nuit blanche. On voyage sous les draps, chaque fois c'est pareil. Je me sens cent fois trop loin. Et je me sens. Parfois quand je marche dans tes rues, que les pluies de décembre soient celles que j'ai connues. Il arrive, il me semble, de repenser à toi. Mais je me sens cent fois trop loin. Et je me sens cent fois trop loin. Saint-Pierre est 100 fois trop loin dans le poste d'écoute de C'est fou. Avant ça, c'était Crédit Bonheur. Ça vient de son album 42. Et on a entendu ça pour la première fois sur les ondes de C'est fou. Saint-Pierre, c'est du folk jazz pop de Vancouver en Colombie-Britannique. Croyez-le ou non, c'est vrai. Il va être en spectacle le 20 mars à la Place des Arts. Ça, c'est à 20h à Montréal. Il va aussi être là le 21. Et puis sinon, il va être en Colombie-Britannique dans sa terre. Saint-Pierre.ca, S-I-N-T-Pierre.ca. Et c'est Saint-Pierre à la voix, à la guitare, à la barre, c'est John Walsh, au piano et clavier, Mathieu Dion. Sinon, il y a aussi Malcolm Aiken, Frank Sir, Brennan Soul. Ils mettent beaucoup de monde dans ces bands-là. Élevé par une brebis, un âne et une canne. Saint-Pierre vit depuis 2005 à Vancouver, entre mer et montagne. Allez voir sa biographie sur le myspace.com/Saint-Pierre Musique. On termine la première heure du poste d'écoute avec la formation 40 Thieves, formation canadienne qui nous a envoyé un album qui s'appelle aussi 40 Thieves. On va entendre, nous, le vendredi, la pièce Capot. Et les auditeurs des rediffusions ont toujours 20 minutes de contenu additionnel, donc vous entendrez au moins Living Lies. On se retrouve pour une deuxième heure remplie d'anglophones canadiens dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.1 FM. C'est tout ça. We'll be right back. Sunday nights, and it's coming back now. You're all up the streets, you're all out of town. Who needs a new life? We're gonna have to pay our bills. Sha-da-da-da-da-da, sha-da-da-da-da, sha-da-da-da-da-da, sha-da-da-da-da. Dans la deuxième heure du poste d'écoute, restez avec nous parce qu'il va y avoir un album de Gentleman Reg qui s'appelle Jet Black. On va aussi entendre Black Square de la formation DD Month Month Year Year Year Year et Mathias Mental avec The Happiest Boy in Montreal. C'est dans la deuxième heure du poste d'écoute au 89.1 FM. Restez avec nous. Et bonjour, c'est la deuxième heure du poste d'écoute. C'est toujours Mathieu Plante qui est avec vous pour découvrir les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. J'ai aucune idée de ce qu'on joue ce matin, aujourd'hui, cet après-midi, peu importe quand. Je ne sais pas. I don't know anything. Anything at all. Dans la deuxième heure, il va y avoir surtout de l'anglophone et surtout de la musique canadienne. On va voir tantôt la formation DD Month Month Year Year Year Year ou DMY avec Black Square. Ensuite, il va y avoir Mathias Mental avec The Happiest Boy in Montreal. Mais on commence avec la formation Gentleman Reg. L'album s'appelle Jet Black. Et tout de suite, voici Coastline au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Almost dry out of a coast too far. Shaky shoreline, lazy near and far. But at the same time, down the way you on skin that we undress. Beauty of the swim where we do best. But that's not why I'm here in this disguise. It's simply to be near under the sky. Across the arms, hands on the fire, so we can inside of me. I gave up looking for the unattainable. A lifetime feeling full. I sit at a very busy lunch table. I was past the peak and something that you said. It stuck, it seemed, roll around in my head. Daydream of sleep until I reach fatigue. Love to place in a structure. You hide yourself away. Alone, get through the day. A cocoon has no longevity. I was past the peak. I'm something that you said. It stayed, it seemed. Roll around in my head. Daydream of sleep until I reach fatigue. Try not to believe. C'est fou dans vos oreilles, oreilles. Yeah. Gentleman Reggie, You Can't Get It Back, précédé de Toussaint et Comes Easy. On a débuté avec Coastline, donc Gentleman Reg et son album Jet Black. Un groupe est composé de Reg Vermeule à la voix et la guitare, Greg Milson à la batterie aux percussions, François Thurin à la guitare et Kelly McMichael au clavier. C'est un groupe de Toronto en Ontario. Leur album sort le 24 février. C'est du pop mélodramatique, disent-ils, sur leur MySpace au myspace.com/gentlemanreg, R-E-G. Allez-y. Sinon, il y a aussi gentlemanreg.com. On reste dans le canadien pour aller entendre Mathias Mental. Mathias Mental, The Happiest Boy in Montreal est le nom de son album qui sort en juin. Qui est sorti en juin 2008. Oui, et on vient de le recevoir ici. Mais on n'a aucune disque c'est, donc c'est nouveau pour nous. Hein. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est nouveau pour vous aussi. Tout de suite, voici la pièce She's a Character dans le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble au 89.1 FM. I met this girl last month on a date just like this one, and I really, really wish you'd meet her, because she's really something. Yeah, you could even say she's quite a character. I met her on the bus, because she fell on my lap. She said, I know you from something, but really don't know why. I said, maybe you have got one of my shows downtown, selling music at the pound. She said, no, it's not that. She said, don't know you from work, and don't know you from school. I don't quite know why, but it sounded kinda cruel. She said, I'm the kind of girl with lot of intuition. Have you ever been in the mental institution? She said, do you by any chance have a show on TV? I hear everybody's got one, that is anybody. I laughed, I told her no, and she looked quite deceived. I said, we're on a bus, you expected that I'd be with her like that on my lap. It felt unconventional. I thought this might be love, but it's probably hormonal. She said, this is my stuff. She jumped back on her feet. She said, she'd send me an email. I'm still waiting for it. I said, maybe before you go, you can tell me my future. I'd like to know. She said, how am I supposed to do that? I said, maybe you can read my palm over. She said, okay. But she thought I was talking about those pocket computers. Yeah, well, she said, oh. Cause she's quite a character. Cause she's quite a character. Cause she's quite a character. Take two, I'm in a bar heading to the bathroom. After a gig it's dark, I'm drunk. I step on some woman's foot. I look up and it's her. I drop SRE mem. I realize that she's a bit older than I am. She says, long time no see, like I'm an old acquaintance. She takes me by the arm and forces me on the dance floor. I'm exhausted, she says, talk less, dance more. And she said, you could have at least. She asked me for have given me a call. What am I going to tell her? She never gave me a funeral. Net stockings, bandanas, ring and a wig, miniskirt, lipstick, striped t-shirt, levels, cocaine in her purse. She said she changed my life. I told her I was happy with it the way it was. She said I would be better, follow her to have fun. I said your hair's are fake, and if the carpet matches the drape, I can tell you right away, you're not my style, not my style, not my style. Yeah. is when you're done. Out of romance, become me. The smell of violence. Cause when you're going down the high, my God, you're playing rubber. can't swallow. No, there's nothing I can do. My throat is too rough, and I'm thinking too much about you. I'll always keep dreaming of you. In my brain and my head, there must be huge tattoos of you. And every I'll wait for you. So when you're done with your boyfriend, please do call me. Call me. Five Five Five Love de Mathias Mental. Avant ça, c'était Rubicon, Rubicube. Avant ça, il y avait Going Down et She's a Character qui a débuté tout ça. Ça avait l'album The Happiest Boy in Montreal de Mathias Mental, groupe de Montréal. Allez voir Mental Comics avec un x.wordpress.com. Vous retrouvez-les sur MySpace, au myspace.com/Mathias Mental. Dans ce groupe-là, on retrouve lui-même, Mathias Mental, à l'écriture, à la voix et au démarrage du iPod. Gabriel Damour au clavier et à la voix. Et Kat Desbarres, aussi connu sous le nom de Sally Paradise, en tant que ninja occasionnelle et secrète. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé Mathias Mental, The Happiest Boy in Montreal. Je pense que je vais refaire jouer ça à un moment donné. Ouais, c'est bon. Surtout la dernière, le 555 Love. Très, très bon. On reste du côté anglophone parce que c'est pas mal ce qu'on va faire jusqu'à la fin de l'émission sans m'entendre la formation avec un nom que j'ai aucune idée comment prononcer. J'ai peut-être l'air incompétent, mais DD Month Month Year Year Year Year parce que le nom c'est DD MMYYY. L'album s'appelle Black Square et tout de suite voici Bronze Age. Mais on va dire bronzage, hein, pourquoi pas. Dans le posté, écoutez au 89 FM. C'est fou ça! Day, Month, Year avec la pièce D, entre guillemets. Alors ça, c'était No Life. On a débuté avec Bronzage, avec leur album Black Square. La formation s'appelle les lettres D-D-M-M-Y-Y-Y-Y. Donc on va dire Day, Month, Year, comme ça se prononçait comme ça, d'accord? C'est un groupe de Toronto, en Ontario, et ils disent « Un jour, nous allons tous mourir, alors soyons amis maintenant. » MySpace.com/DDMMYYY, en tout cas. Et même adresse, la point net. Les membres sont Mike Exton, Thomas Del Botox, Rat King, Jordan Hell, Mosha Mosha, Eric Warner et Roger Levins. Drôle de nom quand même. Ils sont en tournée en ce moment. Ils sont à Washington. Ou en tout cas, ils ont été récemment à Washington le 17 février. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 20 février. Ils sont à 20h au Broken City avec Twin Crystals en Alberta. Belle place, apparemment. Saskatchewan, Manitoba, un paquet de places comme ça. Je cherchais les dates plus près de nous. Et il y en a une le 17 avril à 20h avec El Motor. Là, c'est marqué Il Motore. J'imagine que c'est El Motor. Donc, ou la place Il Motore à Montréal. Ça doit être ça. Bon. Bref, qu'est-ce que j'en sais? L'album de Damon Tier s'appelle Black Square. Ça, je le sais. Et ce que je sais aussi, c'est qu'on s'en va entendre du féminin pour faire changement. Mais il me semble qu'on n'a pas eu de représentante féminine dans l'émission de cette semaine jusqu'à maintenant. À moins que je me trompe. On va l'entendre Jen Grant avec Echoes. C'est son deuxième album complet. Et tout de suite, voici Heartbreaker dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. It's crazy in your ears. I see you've changed. The sun hit your face. The most flattering way. If I had a rhyme for every time I thought you could be my eyes.

yourself. Jen Grant et Where Are You Now, précédé de You'll Go Far. On a débuté avec la pièce Heartbreaker dans le poste d'écoute de C'est Fou. Jen Grant est au myspace.com/JenGrant1. C'est du pop folk indie. Elle est canadienne, mais ça ne dit pas de quelle ville elle vient. L'album est sorti au début du mois de février. Jen Grant à la guitare et la voix. Kenny Dowling, Sean McGillivray, Dave Christensen font partie de ce groupe-là. Allez voir donc, je le répète, myspace.com/JenGrant1. C'est la fin de la deuxième heure du poste d'écoute. Il y en a une troisième qui s'en vient avec la musique de Blabla 666 et leur album It's Only Life. On va aussi entendre Victoria Park, John Ray Fletcher et Lyle E. Style avec les Cutting Room Floor. Tout ça dans la troisième heure du poste d'écoute. Mais pour l'instant, on se quitte. On se quitte avec Blabla 666. Hein? C'est pas le fun, ça? L'album, encore une fois, s'appelle It's Only Life. On débute avec Bla Overture. Et je vais essayer de parler du groupe au début de la troisième heure, mais je ne l'ai fait jamais, donc je vais arrêter de le dire à un moment donné. Tout de suite, dans le poste d'écoute, restez avec nous. Thank you. Bon tour, c'est la troisième heure du poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. En effet, effectivement, en fait, et croyez-le ou non. Voilà. Le poste d'écoute, c'est une émission le fun. Moi, j'aime ça. J'aime ça faire ça avec vous. J'aime ça partager de la bonne musique parce que je la découvre en même temps. T'sais, j'ai aucune idée ce qui s'en vient, moi. Est-ce que j'ai l'air de savoir? Regardez-moi. Attention, regardez-moi, là. Non, je ne sais pas. Cette troisième heure est ce qu'on appelle un poste en poste, c'est-à-dire qu'on va passer très rapidement par plusieurs CD, là, gauche-droite, schling. On va entendre John Ray Fletcher, Larry Style, Pipe Tarts, Evil Farm Children et peut-être même The First Aid Kit, mais on commence avec Krista Muir. On va essayer Muir. Tiens, juste Muir. C'est M-U-I-R, j'ai aucune idée comment prononcer ça. Muir, Krista Muir. L'album s'appelle Accidental Railway. Tout de suite, voici When You Were Mine dans le poste d'écoute de Poste en Poste. 89.1 FM. Un seul poste ici, par contre. 89.1 FM. When you were mine, I was yours, you were mine. When you were mine, I was yours, you were mine. When you were mine, I was yours, you were mine. When you were mine, I was yours, you were mine. When you were mine, I was yours, you were mine. When you were mine, I was yours, you were mine. When you were mine, I was yours. When you were mine, when you were mine, I was yours. When you were mine. Le poste d'écoute. Staring off into the abyss where there's no earth and no sky. Krista Muir, ou Muir, avec l'album Accidental Railway et la pièce Summarize. Juste avant, c'était When You Were Mine. C'est donc deux pièces, les deux premières de l'album. Elle vient de Montréal, au Québec. C'est du pop acoustique, une new wave. Elle va être en spectacle à Québec au Cercle le 2 avril prochain à 20h. Elle va aussi passer par Saint-Eustache dans le mois d'avril. Sinon, elle est en ce moment où elle va être à la mi-mars au Texas. Et voir myspace.com barbecue Krista L-L-M-U-I-R. Krista L-M-U-I-R. En tout cas, compliqué un peu comme nom, tu trouves tout le monde l'adresse MySpace, puis c'est facile à dire que ça. Sinon, c'est lederhosenlucille.com sur le site web, c'est pas bien mieux. Allez voir le site de l'émission au www.unechance.com si rien vous échappe aujourd'hui. Mm-hmm. Vous êtes dans la troisième heure de Poste en Poste, ici au Poste d'écoute, où on passe d'un album à l'autre assez rapidement. On s'en va avec John Ray Fletcher, qui fait du faux, qui vient de Colombie-Britannique. Le voici tout de suite avec la pièce Maria. Au Poste d'écoute. Ah, c'est fou, 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Et je savais que ça allait être canadienne, mais je pensais pas que ça allait être aussi country que ça. Je sais pas, je m'excuse pour ceux qui aiment ça, mais John Ray Fletcher avec Oh Maria, ça c'est le nom de l'album. On avait dit que c'était de poste en poste, cette troisième heure, donc on passe rapidement d'un album à l'autre, surtout si c'est pas bon. Lyle Eastall est le prochain, l'album s'appelle Cutting Room Floor. Tout de suite, voici Hold On That Feeling, dans un poste d'écoute de poste en poste. Au 89 FM, c'est fou ça! When I get started, I just can't stop. I don't want a little, I want a lot. I gotta go till the night is gone. So I got the song that I like to sing, and it don't mean much of anything, but everybody likes to sing, so they sing along. It goes like this. Ooh, hold on to that feeling. Ooh, don't let it go. It goes like this. Ooh, hold on to that feeling. Honey, you're the one I've been waiting for. Ok, je pense que c'est pas ben mieux ça non plus. Hein. Lyle Eastall avec Cutting Room Floor, c'est beaucoup trop canadien, beaucoup trop country. C'est le genre de choses qu'ils joueraient à CBC là, dans leur petite place poche des fois. En tout cas, ils aiment bien ça, la musique canadienne, très grassy. En tout cas, bref. On passe à l'autre groupe. On va l'entendre. Celui-là s'appelle Pine Tarts. Ça a l'air meilleur ça avec l'album Faux Fauves. Et tout de suite, voici la pièce City. Dans le poste d'écoute, de poste en poste. Same room in the same. hours is crooked and my hair is messy. December 25th and 22nd time it has been that way. And a naturally warm winter's night, the bonnet of grey. C'est là en retour, il y a plus de Pine Tart sur les couvres de Evil Farm Children dans le poste d'écoute de C'est Fou au 89.fm. De poste en poste. Sky. Hi, help fou depuis 10 ans. 10 ans? C'est plus vieux que moi, ça. She told me she was 16. She was only 14. She told me she was 16. She was only 14. Woo! She was only 14. She told me she was 16. Whoa, she was only 14. Time Chart, c'est 1614 dans le poste d'écoute. Le premier mot sur pendant tout ce qui joue assez fou. Alors ça, c'était Comme, et puis on a débuté avec la pièce Silly des Pine Tars. Leur album s'appelle Faux Fauves. C'est un groupe de indie punk folk de Bankview, Calgary, en Alberta. Allez voir myspace.com, Barbie Pine Tars, ou encore, enfin non, c'est pas mal tout. J.J. Powell, The Nooder, The Reefer, et Jane Polly, Adam Scott, sont dans Pine Tars. Beaucoup de gens, beaucoup de gens. J'ai vraiment aimé, donc c'est pour ça qu'il y a eu trois pièces de ça, Pine Tars, Faux Fauves. Vous êtes dans la troisième heure, l'heure de Poste en Poste, et ici dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble, mais non, il va vraiment vite d'un côté à l'autre. On s'en va entendre Evil Farm Children avec leur album Evil Farm Children 2, The Evil-ing. Et c'est marqué, ils sont cotés 665, la deuxième place derrière la bête elle-même. Vous n'en croyez pas à vos oreilles. Voilà, donc c'est pour Evil Farm Children. À l'avant, on voit les enfants avec des cornes de diable, et à l'arrière, on voit une photo de gars avec des guitares devant une ferme. Ça a l'air intriguant. Tout de suite, voici Cone of Silence dans le poste d'écoute. De poste en poste. Ah, c'est fou, Cone of Silence. What? Cone of Silence. We'll be right back. Thank you. Evil Farm Children et Greasy dans le poste d'écoute de C'est fou. Avant ça, c'était Border Blaster. On a débuté avec Cone of Silence. La première pièce, je l'ai adorée. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et là, j'espérais que ça allait continuer à être bon. Puis la deuxième, il s'est mis à chanter un petit peu moins que ça. Moi, j'aime beaucoup la musique surf, comme vous l'entendez par mes fonds. Quand même, vous avez deviné que j'aime ça. Avec les paroles, je sais pas. Je trouve ça un petit peu... Je trouve ça bien. C'est dur à décrire, mais bon, c'est du rockabilly surf, psychobilly. C'est comme ça qu'eux le décrivent. L'album s'appelle Evil Farm Children to the Eviling. C'est un groupe de Ottawa en Ontario. Ils sont Dave Kerr à la guitare et la voix, Janice Fitzsimmons à la basse et la voix, et Jeff Bond à la batterie et les backing vocals, le choriste en arrière si on veut. Ils vont être à Montréal à Lesco avec The In and Outs. Ça c'est le 14 mars à 21h et sinon ils sont en Ontario un petit peu partout avant et après ce spectacle là. Donc voilà pour Evil. Je vais peut-être écouter d'autres pièces moi-même, en tout cas, ça m'intéresse. On continue avec la formation canadienne The First Aid Kit. Leur album s'appelle Still Standing. On va entendre tout de suite My Resignation. Vous êtes dans le bloc de Poste en Poste, du Poste d'écoute au 89.1 FM. Teenage dreams for you and me. Just these bars, these basements, these streets, this scene, and we'll all be in the ground in half a century. Known about the town and loving memory. I'm not certain that I've done anything showing off. There's people here, there's people here who like the people here. Consider this my resignation. Tonight let's leave the long years behind and we'll dance like the daughters of summer nights. But there'll be no Springsteen dreams for you and me. Just these bars, these basements, these streets, this scene. And if we're all just killing time, why's the killing keep? Why they coming to haunt me in my sleep? Why do I get the feeling that I'm in way too deep? There's people here, there's people here who lie to people here. Consider this my resignation. You've lost your heart, ashes to ashes. Well, we all fall down and we all fall apart. We all fall apart. Everyone I ever knew, and if I had everything I ever did to do over again, I wouldn't do it all the same. Well, I wouldn't do anything at all. Oh, oh, to me. let's be completely undisguised. Ooh. I've been thinking lately, I've been thinking lately, that the pulling down the blinds and the turning of the lights. Come on, baby, won't you come on, baby? It's my birthday in a week. I was born in the 80s, I was born in the 80s. Ça a vraiment beaucoup valu la peine de faire une heure de poste en poste. Dans le poste d'écoute, on vient d'entendre la formation The First Aid Kit avec leur album Still Standing. Ça, c'était la pièce Come On Baby. Avant ça, il y avait Rooftops et on a débuté avec My Resignation. Et là, ce qu'on a fait, c'est de passer de disque en disque. Ce qui marche pas, ça s'en va tout de suite. Là. Et on a tombé sur quelque chose de vraiment bon. First Aid Kit, c'est du folk acoustique de Stockholm en Suède, apparemment. Allez voir myspace.com/. This is First Aid Kit. Espérons que c'est de bons groupes. Avant ça, ce qu'on avait entendu, c'était Evil Farm Children. On a aussi entendu Pint Arts, Lyle E. Styles qu'on a coupé, Johnny Fletcher, même chose. On a commencé avec Krista Muir, qui était quand même bonne aussi. On va se quitter avec la formation de Rhythm Method. Et là, je regarde, j'espère aussi que c'est le bon groupe. Nova Scotia, oui, c'est ça, Nouvelle-Écosse. C'est du crunk de Rhythm Method. On va entendre leur album Celebrities with Low Self-Esteem. On va se quitter avec Tool Small. Les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi vont aussi entendre I'm Pregnant, entre autres. Voilà, donc c'était le poste d'écoute pour cette semaine. On se retrouve vendredi prochain à 10h. On rappelle les samedis à midi et les mercredis à 13h. Je vous retrouve aussi à CNX et dans les Palmarès C'est Fou. D'ailleurs, cette semaine, les Palmarès C'est Fou, c'est un spécial sur l'affrontement final entre moi et Kiwan. Il va falloir être là pour la suite de notre téléroman. C'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Au revoir. Why I don't put out, that's not what my DJ's all about. My DJ all. You couldn't purchase it, cause it's labeled way too small. My DJ, it's too small for y'all. It's too small for y'all. It's too small. Y'all may wonder what I'm doing with your tools. No one ever told me that hand jobs aren't cool. My DJ, it's too small for y'all. It's too small for y'all. It's too small. Y'all may wonder why things are so tight. Me and my DJ, we do it out of sight. My DJ, it's too small for y'all. It's too small. STDs on my fist. My DJ, it's too small for y'all. It's too small for y'all. It's too small. You've been bumping me all night. Want a piece of this, you sucker? Well, get out your microscope. It's small, motherfucker. You think it's way too small, that's why you're staring at me. But my beach is the right size for my 15-speed Hayachi. Just because it's small don't mean it ain't naughty. Bitches wanna have fun. Come on, everybody. It's too small for y'all. It's too small for y'all. It's too small for y'all. It's too small for y'all. It's too small for y'all. It's too small for y'all. My DJ. It's too small for y'all. It's too small for y'all. It's too small. What the fuck is this girl's problem? Y'all might think my beach is just playing, so you buy me a drink. My DJ. It's too small for y'all. It's too small for y'all. It's too small. Y'all may wonder why I'm not performing. Why? Maybe my beat just wants to be a Mormon. My BJ, it's too small for y'all. It's too small for y'all. It's too small. If I'm gonna break it down like Biggie Smalls, I just like the color blue when it's on your ball. My BJ, it's too small for y'all. It's too small for y'all. It's too small. I hope that you don't think I'm rude when all of a sudden I'm not in a mood. But my BJ thinks it's a bit absurd when I ask for a fudge sickle and I get soft serve. Soft, soft, soft, soft, soft. Why is that yogurt? Is that yogurt? Is that yogurt? Why am I at dairy food? I didn't even mean here. No, make a heart, make a heart. Too small for ya, too small for ya, too small for ya. Too small for y'all, too small for y'all, too small for y'all, too small. My DJ, too small for y'all, too small for y'all, too small for y'all. My DJ, too small for y'all, too small for y'all, too small. Was chilling with a member of the opposite sex. So did Willie and Manili Yang. You guess what happened next? I got pregnant. Are so pregnant. Girl, I noticed you were looking so slim, but I didn't think it was cause of him. Yo, I quit the pill cause it made me look fat, but now I'm pregnant. What you think about that? So pregnant. So pregnant. I called the guy up to tell him what I tell ya, and he said he'd holler back when he finished. Part-time job, I could give me some flow, but when my girlfriend comes to town, could you please keep it on the low? That I'm pregnant. So pregnant. How to tell my mom? How to tell my dad? I don't want postpartum. I don't wanna be sad. Goodbye, party people. I hope to see ya for the next 9 months. It's amenorrhea. Pregnant. So pregnant. Birds of a feather flock together. Girl, we're pregnant too. Best friends forever. I got pregnant, we're pregnant, is gonna save ya. Did you know that in Greek an N is a V? Yo, I'm Xtava. What you know about me? By the light of the day, I like to paint and think. In the evening, I'm hip-hop, pounding back the drink. I've been spitting silly shit since I was a tyke. Give a shout-out to Jesus, Mary, and Mike. With my waspy upbringing, I got real bored. Had to save all my sexual feelings for the Lord. Little bitties giving handjays to Mr. Boombastic. Find me in the library club, jerking to Scholastic. See, my celibacy wasn't all my choice. Like my mom says, I'm too damn smart for boys. When I'm East Coast, got a case of the spleen. Said goodbye to my hymen at sweet 19. I hear you asking for the pure shit. I'm telling you, here it is. Like the French feminist critical theorist Xtava. She's bringing you the flavor. Analyzing your behavior. Yo, my music's gonna save you. Hanjays, Hanjays in the morning, Hanjays in the afternoon. I really want the poo, but she only give me why you only give me Hanjay. Get the fuck on the mic, say what you gotta say. My name is Handjob, it's all I gotta say. I keep it classy like the literature I study each day in the Anglais, Chaucer to the Poe. And I love a VJ Wolf stream of consciousness flow. They call me just Ham when there's not a lot of time. Got it caught in the cookie jar, reaching for a rhyme in J school. I got sassy with the mic, I fuck around with the word count. Keep my shit tight. They call me Hyundai when it get crazy. Break it down, I try back a DJ double A. Snoop Doggy Dog was my first CD in the family. Then I sang D-O-double-G. They call me Job Hand, so it don't get bland. Just don't tell my mom that I'm in this band. Hyundai, Hyundai's in the morning, Hyundai's in the afternoon. I really want the poo, but she only give me yo, snake chains, are you feeling deranged? The people in the house want you to bring the pain. You gonna spit so hard, you gonna cough up a lung. Hit these motherfuckers with your double tongue. Yo, I be chillin', I be S. I be your girlfriend in the wet t-shirt contest. Xtava, hand job, my girls be blessed. Cause we got more skills than your gynecologist. You think I don't get laid cause I use an inhaler. But to count all my boyfriends I would need a calculator. Yeah, I got economics on the brain. I'm snake change, shout out to John Maynard Keynes. Government intervention, lack of contraception. You in a recession? I'll run you a regression. I'm snake change, watch out for my snake bite. Cause my rhyme's more tight than you on prom night. With a rhythm, method, rhythm, method, method. Rhythm, rhythm, method. Rhythm, method, rhythm, method, method. Rhythm, rhythm, method. Yo, rhythm, method. Rhythm, rhythm, method. Rhythm, method, rhythm, method, rhythm, method. Oh, method. I went to the doctor's method. Got a prescription for rhythm, method. Method.